بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On lit cette fatwa de الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فيما ما يتعلق بالاحتفال بأعياد الكفار أي célébrer أو s'entraider أو féliciter الكفار par rapport à des fêtes qui leur sont spécifiques. المؤمن il doit reconnaître annahu il est fi ni'matin 'azima al-islam kama akhbar Allah 'azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est une ni'ma 'azima. Al muslim il doit préserver cette ni'ma, et parmi les choses qu'il doit préserver et faire des efforts, c'est aimer ses frères al mu'minin et détester a'da Allah 'azza wa jalla. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم même si c'est leurs propres parents. هذا المعتقد أي الولاء والبراء aimer ses frères المسلمين المؤمنين détester أعداء الله, ça fait partie des fondements de la religion. Et celui qui aime ses frères mu'mins et à leur tête الأنبياء والرسل pour أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم كذلك العلماء أهل العلم et les gens pieux et les musulmans chacun par rapport à son niveau, et il déteste le kuffar, il pourra pas se permettre de s'associer avec هؤلاء الأعداء dans leur fête أبدا. يقول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا والركون c'est se rapprocher. إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أي ceux qui ont été injustes. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَالْمُشْرِكُونَ c'est des injustes. اليهود والنصارى وسائر الكفار ils sont injustes envers eux-mêmes et envers les autres. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى les a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ et أَشْرَكُوا بِاللَّهِ. Les juifs ils adorent autre qu'Allah. النصارى ils adorent Isa, ils adorent Maryam. Alors que Allah سبحانه وتعالى il leur a ordonné, il nous a tous ordonné de l'adorer seul. Et هذا الحين on a pas le droit de les aimer ou d'apprécier leurs fêtes. Là, les annas, ces fêtes, comme on va voir, elles sont fondées sur le kufr. Et si on médite bien, est-ce que tu as déjà vu al-kufar nous encourager dans nos a'yad? Abadan. Même si ça arrive d'un voisin ou d'une personne, Obama, il prétend respecter et il ne combat pas. Lakin, nous, on parle. Al-hukm, il est à l'al-ghalib, fil-jumla. Al-kafra, il combat. الإسلام يكبت أعياد المؤمنين. تأمل كيف يفعلون المؤمن pour عيد الأضحى. يعرفون que c'est une fête pour les musulmans ويحاربونهم. فنحن pourquoi on se rabaisserait alors qu'ils sont في باطل. Bien sûr sans commettre d'injustice. Ça ne veut pas dire qu'on est injuste comme ils font البعض عيادا بالله أنهم يفعلون des attentats أو ils assassinent أو نعوذ بالله. Ça c'est كذلك c'est du ظلم. لا لكن en tant que mu'min, je déteste cette chose et je ne participe pas. Wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Amma faire apparaître comme certains, anna je suis ouvert, je suis tolérant, et rubama yusharikuhum, il les félicite. Aina wala'uk wa bara'uk lillahi 'azza wa jalla. Qala Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahimahullah. Ils lui ont posé la question sur ceux qui participent avec les chrétiens à Noël. قال رحمه الله لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم. هذا سي بابيرم. سيأتي معنا كلام الإمام ابن القيم أنه نقل الإجماع لنانيميتي دي سافون أنه سي انتردي. أخي الكريم أخي المسلم غست افيك علماء الإسلام غست على الطريق نتفي با افوار بور دي شوز فوتيل qui feront du mal, attendez. قال بل يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم. Ça c'est hadith رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تشبه بقوم فهو منهم. Et celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux. فنحن des مؤمنون. Allah سبحانه وتعالى أكرمنا بيومين عظيمين. Deux jours. Allah سبحانه وتعالى il nous a donné pour l'Eid et pour les fêter. Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Pourquoi ressembler à un qom? غضب الله عليهم اليهود اي النصارى والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق باخلاقهم النبي صلى الله عليه وسلم plusieurs hadith il nous met en garde de ressembler à اليهود والنصارى حتى dans leur ibadat تامل عاشوراء ان اليهود يجنوا عاشوراء. Pourquoi? C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a sauvé Moussa min Fir'aoun. Même dans cette chose, on jeûne Ashura et on jeûne un jour avant. Hada c'est afdal. C'est afdal. Pourquoi? Pour khalif ha'oula. Et nous on est ahak minhum bi Moussa alayhi salam. Qala fa'ala al-mu'min wa ala al-mu'mina al-hadr min dhalik. Fa'hatta fi al-siyam, comme on a cité l'exemple, on ne doit pas le ressembler. Et ça ne vient pas de moi ou d'un savant ou de quelconque, là ça vient du prophète alayhi salatu wassalam. Leur fête c'est basé sur quoi? C'est basé sur la mixité, sur le haram, sur le zina, sur la perte de temps. Comme mes masaib, à cause de l'alcool ou autre, ça arrive pendant ces fêtes. Akif anta akhi al-muslim, tu participes à hada. Qala wa an la yusa'id fi iqamat hadhihi al-a'yad bi ay shay li'annaha a'yad mukhalifa li shar' illah. حتى aider avec quoi que ce soit, tu n'as pas le droit. وَيُقِيمُهَا أَعْدَاءُ اللَّهِ. Là, c'est fondé sur des choses qui contredisent notre dîn. قَالَ فَلَا يَجُوزَ الْإِشْتِرَاكُ فِيهَا وَلَا التَّعَاوُنُ مَعَ أَهْلِهَا وَلَا مُسَاعَدَتُهُمْ بِأَيْ شَيْءٍ لَا بِالشَّاي وَلَا بِالْقَهْوَى وَلَا بِأَيْ شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ كَالْأَوَانِي وَنَحْوِهَا. شوف البازي دي حتى préparer un plat ou servir le thé ou le café, لا يجوز. Pourquoi? Parce que c'est du din. Pourquoi on ne participe pas à ces choses? Les anna, on sait que Ha'oula, ils combattent l'islam. Et ces ayat, c'est basé sur Al-Kufr ou Al-Shirk. Eux, mathalan, Noël, ils fêtent Noël. Pourquoi? Parce que c'est la naissance de Isa. Pour eux, Isa, c'est le fils d'Allah. Enfin, pour eux, ils fêtent la naissance du fils d'Allah. Et anta, tu vas participer à hada. Et chaque musulman, ou la plupart des musulmans, ils récitent souvent قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهم ils prétendent que Allah il a un fils. Ce point فقط, ça doit nous pousser à les détester, ne pas les aimer et ne pas participer à leur fête. Et si on peut les aider avec da'wa et on propage l'islam, فطيب هذا, si tu veux aider, si tu veux être utile. Amma cette fausse tolérance, ce faux amour, et allam annahum, ils te détesteront tant que t'es pas comme eux. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. لَكِنْ بَعْضَ النَّاسِ دِ مَسَاكِينَ. Ils pensent que féliciter ce kafir pour Noël, ça va le rapprocher, il va avoir une meilleure image. Et taqillah, l'essentiel c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de toi. Amma ce kafir aujourd'hui te fait un sourire, demain yuharibuk, ou yuharib abna'uk. Et on l'a vu, nous, dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Ils ont colonisé nos pays. Ils ont fait du mal. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment. Là, ils t'aimeraient. Ils t'auraient pas fait ce qu'ils t'ont fait dans le passé et ce qu'ils te font un. Là, qu'il y a des gens qui s'en fient. Rafle. Et pardon, tu le trouves, le kafir, il a cette douceur et cette tolérance. Et ma akhi, belle plus grave, avec une personne qui s'accroche à la sunnah, Robama, il peut pas le regarder. Et il le critique tout le temps. Ils ont fait, ils ont amené un nouveau din. Et Al-Yahoud ou Al-Nasara, ils n'ont pas emmené un nouveau din. Mais ceux que tu accuses d'emmener un nouveau din, c'est tes frères, ils sont allés à l'islam. S'ils se sont trompés, montre-leur. Wallahi, ba'duhum min shiddatil bughd. Contre ses frères. Khasatan ahl sunnah. Farubama, il ne peut plus le regarder. Yahoud et Nasrani, les sourires et la tolérance. Là, ça montre que son cœur, il est malade, iyadam billah. Qala, wa aydan yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Est-ce que ces ayat, que ce soit Noël, que ce soit le jour de l'an, est-ce que c'est fondé sur le birr wa taqwa? Alcool, mixité, zina, iyadam billah, ils font pas salat, ils prétendent que cette fête c'est pour célébrer la naissance du fils d'Allah azza wa jal. Est-ce que c'est le birr wa taqwa? C'est le kufr wa ilhad wa dhaya. فالمشاركه مع الكفر في اعيادهم نوع من التعاون على الاثم والعدوان فالواجب على كل مسلم وكل مسلمه ترك ذلك ولا ينبغي للعاقل ان يغتر بذلك العاقل الى دي الشيخ رحمه الله. Même celui qui n'a pas de علم, il y en a كثير من المسلمين ils ont pas étudié, ils ont pas les connaissances. لكن ta simple raison, normalement, elle doit te pousser à ne pas participer avec eux à leur aide. Ta simple raison, si tu réfléchis. قال الواجب أن ينظر في الشرع الإسلامي وما جاء به وأن يمتثل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا ينظر إلى أمور الناس. Et ça, c'est important. Muslim, chaque musulman, on doit faire les choses par rapport à notre dîn. Par rapport à notre dîn, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé? Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé cette chose? Est-ce que c'est interdit? Mabadoum, ils font avec leur passion. Ou, comme a dit le shir, annas. Mais les gens, ils font. Mais il m'a rien fait. Il t'a rien fait à toi, lakin il accuse Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un enfant. Enfin, si t'aimes Allah subhanahu wa ta'ala, normalement ça doit te toucher. Wallahi, anna, si ce chrétien, matalan qui fête Noël, il insulterait sa mère ou son père ou son enfant, wallahi, il l'approcherait pas. Il l'approcherait pas. Ah, oh, il lui prend son argent. Eh ben, il l'approche. Lakin ils accusent Allah azza wa jal, et à ba'dhum, ça leur fait pas grand chose. Yaqulun, non, ils sont bien. Hatta ba'dhum yaqulun, il leur manque que la ilaha illallah, ils sont mieux que nous. Iyad billah. Il leur manque que la ilaha illallah, c'est quelque chose de azim, la ilaha illallah. Il lui manque tout. Qala wa an la yanzur ila umuri an-nas fa inna aktharahum la yubali bima shara'a Allah kama qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-'azim wa in tuti' akthara man fil ard yudhilluka 'an sabilillah. Ta'ammal ce verset du Coran, tu es musulman, t'aimes le Coran, t'aimes Allah 'azza wa jalla, fata'ammal. C'est sur ça qu'on doit baser nos faits et gestes, pas sur les gens, la tolérance al-batila. قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض. Si tu suis la plupart de ceux qui sont sur terre, يضلوك عن سبيل الله, ils t'égareront. Alors, la plupart des gens, ils diront il y a pas de mal. Ils vont fêter, ceux qui fêtent pas, ils vont dire mais il y a aucun mal. Pourquoi vous les critiquez? وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أهل العلم, الإجماع, l'unanimité des savants, ils ont montré que c'est interdit. Comment on va écouter un ignorant et il nous dit là c'est il y a rien de mal? Ben il y a un grand mal. Il y a un grand mal pour celui qui sait. Wa qala subhanahu wa ma aktharu an-nasi wa law harasta bi mu'minin. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il cite ces versets pour te démontrer que la plupart des gens ils savent pas. Donc se baser sur ce que les gens ils font, c'est pas sahih. Ça t'emmènera à ta perte, iyadun billah. La plupart des gens, les uns ils mentent, ou ils fument, ou ils boivent, ou c'est pas des musulmans, et on va les suivre. Là, regarde pas ce qu'ils font la plupart des gens, regarde ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Regarde ce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Et fais autant que tu peux. Ce que tu peux pas, demander à Allah Azza wa Jal qui te facilite. Et écoute les conseils, ne rejette pas le haqq. Et tu verras que, alhamdoulilah, t'es un musulman, t'es à la khayr, ce que tu peux tayyib, ce que tu peux pas, les faiblesses, tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu rejettes pas le haqq. Et inshallah, t'es à la khayr. Amma, rejeter le haqq. Et accepter le batil, accepter le faux, que ça soit ses faits ou autre, la gravité, elle est là. Qala. فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز الأخذ بها وإن فعلها الناس والمؤمن يزن أقواله وأفعاله ويزن أقوال وأفعال الناس بالكتاب والسنة. لأن الآن même dans certains pays musulmans الآن ils fêtent هذا le jour de l'an Noël et يقولون il y a rien de mal, les gens ils font. Normalement en tant que mu'minin, notre mode de vie ça doit être le kitab et le sunna. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc faire attention de pas délaisser la voie de notre prophète صلى الله عليه وسلم. قال فما وافقهما او احدهما فهو المقبول. Est-ce qui est en concordance avec les textes du Coran et de la Sunna, on l'accepte. وان تركه الناس, même si les gens ils délaissent. وما خالفهما أو أحدهما فهو المردود ولو فعله الناس. Ce qui contredit les textes, c'est rejeté, même si les gens l'ont accepté. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. انتهى من فتاوى نور على الدرب de الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله يقول في كتابه النافع أحكام أهل الذمة وأما التهنئة بشعائر الكفر أي féliciter ce kafir par rapport à une fête spécifique pour lui. Mathalan, Noël. Faharamun bilittifaq. C'est interdit dans notre dîn. L'unanimité, il n'y a pas de divergence fi hada. Mithl an yuhni'ahum bi a'yadihim wa sawmihim fayaqul 'eedun mubarakun 'alayk. 'Eedun mubarak 'alayk. Ay, mathalan, une fête qui est réservée à l'Yahoud ou à l'Nasara, et il leur dit 'Eedun mubarak. Ça, c'est haram. Même si c'est une fête, annahum yasumun, ils jeûnent ou ils font leur salat, même si c'est ça, c'est haram. Fahada in salima qa'ilahu min al-kufr fahuwa min al-muharramat. Si il est préservé du kufr, il y en a celui qui les félicite parce que leur dîn, il est, pour lui, il est authentique et ils ont leur propre religion et ils les aiment. Fahada rubbama, il perd son dîn. Amma si il n'aime pas leur dîn, lakin il leur dit quand même, هذا من المحرمات سأنتقدي. وقال شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتداء الصراط المستقيم مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل. تأمل الفقه شيخ الإسلام comme il voit loin رحمة الله عليه. Le fait de les féliciter, ça montre, ou ce chrétien maintenant, il sera heureux et كذلك ça va le renforcer dans son باطل. Il fête la naissance de Isa. Pour lui, c'est le fils d'Allah. Et nous, celui qui dit que Allah est un fils, c'est de la mécréance pour nous, c'est du kufr. Et c'est clair pour tous les musulmans. Anta, si tu le félicites, et huwa, il célèbre la naissance, pour lui, c'est le fils d'Allah, tu l'as renforcé dans sa croyance. Et il est content. Amma, si il voit que ce croyant mu'min, il ne le félicite pas, et s'il comprend pourquoi, ça ne l'étonnera pas. Il y en a, nous, notre dîn il est fondé sur le tawhid, Allah il est unique. Et même si ce kafir un jour il te demande, matalan c'est ton voisin, il te demande pourquoi tu ne fêtes pas Noël, ou pourquoi tu ne lui dis pas joyeux Noël, etc. Tu peux lui montrer, il y en a, je suis un musulman, je suis un mu'min, et notre dîn il est fondé sur le tawhid. Et ces fêtes que vous faites, elles ne sont pas dans notre religion, et kadhalik, elles sont fondées sur le kufr. Tu seras cohérent. Hatta indal kafir, tu ne te contredis pas. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. السلامة والعافية. هذا بعض كلام أهل العلم. الحقيقة يا بوكو دو فتاوى شيخ العثيمين كذلك كلام جميل شيخ البوزان كثير من أهل العلم لكن نكتفي بهذا. الحقيقة كلام مختصر يكفي. L'unanimité des savants, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit de ressembler à هؤلاء, les ennemis de l'islam. من تشبه بقوم فهو منهم. الله سبحانه وتعالى nous a interdit كذلك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإنسان والله الحمد il habitue ses enfants ou à عيد des musulmans. للأسف بعض المسلمين عيد الأضحى عيد الفطر ربما c'est un jour normal, خاصة celui qui ne vit pas dans un pays musulman, il ne le ressent pas beaucoup. S'il ne fait pas des efforts, ربما il ne le ressent plus. ثم à Noël ou le jour de l'an, vu qu'il vit dans un pays, le système il est fait pour encourager ce genre de fête, ربما ils ont plus de joie pour ces fêtes que pour les fêtes des musulmans. Et هذا c'est قصور عظيم. C'est un manque. T'as des responsabilités en tant que père. T'as des responsabilités. N'oublie pas ton dîn. Ça c'est muhim, akhil karim. Amma vouloir satisfaire al-nas, les gens ils te seront d'aucune utilité. Encore plus, al-kafara. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa al-tawfiq. Hayyakum Allah. Naktafi bihada al-qadr. Subhanak Allahumma hamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.